Chapitre 9e. Rabascas, en sa double qualité de gascon et de détective, avait, on le devine, plusieurs tours dans son sac. Monté à bord sans billet ne devait être qu'un jeu pour lui. D'un pas tranquille, il gravit donc l'escalier de bois unissant au quai le pont de Città di Milano. Le garçon qui, debout à la coupée du paquebot, visait les billets des passagers à mesure que ceux-ci se présentaient, arrêta notre homme au passage par ces mots. « Et là, où allez-vous? Votre billet ?»« Je ne suis pas passager, » fit Rabascas, très digne. « Je viens apporter une lettre à M. Salvadori, passager de première classe. » Naturellement, le garçon ne pouvait encore connaître les noms de tous les passagers. Ce nom de Salvadori ne lui disait rien, mais il ressemblait à d'autres noms italiens, et ce n'était pas pour rien que Rabascas l'avait choisi. « C'est bon, passez, » permit le garçon, « mais dépêchez-vous de redescendre à terre, car nous partons dans quelques minutes. » « Merci, je ne tiens pas à partir, » assura le gascon, qui, sur ces mots, s'élança vers le pont des premières classes. De nombreux passagers étaient groupés un peu partout. Rabascas passa parmi eux, puis, s'étant assuré que le garçon qu'il avait laissé passer à la coupée ne pouvait le voir, il s'engouffra dans une écoutille au hasard. Il descendit un escalier à la rampe d'acajou sculptée et arriva devant un long couloir bordé, de chaque côté, par les portes des cabines. De nombreux passagers y stationnaient. Rabascas traversa le couloir d'un pas pressé et arriva devant une porte fermée au-dessus de laquelle il lut ces mots « Stanza di bagno, salle de bain ». Rabascas comprenait et parlait l'italien. « Voilà mon affaire » pensa-t-il. Il ouvrit la porte et pénétra dans une petite cabine aux murailles émaillées de blanc et dont tout l'ameublement consistait en une baignoire de grès et une armoire laquée qui était fermée. Rabascas l'ouvrit facilement à l'aide de son couteau. Elle était vide. Notre gascon s'y introduisit et attira le bâton à lui. Puis il attendit. Les minutes lui semblèrent longues, interminables. Il lui parut qu'il était enfermé depuis des heures lorsqu'il entendit enfin ronfler les treuils du paquebot qui rentrait les amarres. Peu après, il sentit un frémissement agiter le navire, puis il perçut le grondement lointain de la vapeur dans les cylindres. Cette fois, l'on partait, tout allait bien. Peu à peu, le ronflement des machines s'accentua. Le paquebot, maintenant, devait être sorti du port et voguait à toute vitesse vers le large. « Le plus difficile reste à faire, » pensa Rabascas. « Il faut que je trouve une autre cachette que celle-ci, que je m'introduise dans la cabine de mes gibiers et que je les réduise à l'impuissance d'une façon ou d'une autre, de manière à pouvoir les obliger à me révéler ce qu'est devenu Browning et ce qu'ils ont fait des documents volés au ministère. Ce ne sera pas facile, mais on y arrivera. » Debout dans l'armoire, gardant une immobilité qui devenait fatigante, Rabascas réfléchit. La chaleur devenait de plus en plus forte autour de lui, au point que de grosses gouttes de sueur coulaient sur tout son corps. Mais, héroïquement, Rabascas resta dans son armoire en pensant que la prudence la plus élémentaire lui commandait d'attendre la nuit pour chercher une autre cachette. Malheureusement, ses plans se trouvèrent en défaut. Car moins d'une heure après l'appareillage du paquebot, Rabascas s'entendit brusquement s'ouvrir la porte de la salle de bain. Presque aussitôt, le battant de l'armoire, tiré par une poigne solide, pivota sur ses gonds. Rabascas vit un gros homme, en habit, au visage rasé, qui le regardait avec stupéfaction. C'était le maître d'hôtel du paquebot. « Que faites-vous là ? » questionna-t-il, les sourcils froncés. Rabascas comprit qu'il était inutile de nier. « Comme vous le voyez, « je m'étais caché dans cette armoire, » expliqua-t-il avec simplicité. « Je n'avais pas d'argent pour payer mon passage. Je voulais aller rejoindre un de mes frères, établi à Colombo, qui veut s'occuper de moi. Je n'avais pas le choix, vous comprenez? J'aurais préféré. »« Oui, je comprends très bien. Venez avec moi. Vous expliquerez avec le commissaire. Arrivez !» Docilement, Rabascas sortit de l'armoire et emboîta le pas à son interlocuteur. Celui-ci le mena dans un petit bureau où se tenait le commissaire du paquebot. Rabascas répéta sa petite histoire, dont le commissaire ne fut pas dupe. « Tous les mêmes, » grommela-t-il. « Enfin, on ne peut pas vous jeter à la mer, et c'est tant pis pour nous si nous n'avons pas bien fait la fouille avant le départ. Vous aiderez les garçons de cuisine. Et à Port Saïd, notre port-mescal, nous vous remettrons aux mains de la police. Il fera de vous ce qu'elle voudra. Et tâchez d'être docile, si vous ne voulez pas être mis au fer. » Rabascas, sans s'émouvoir, assura l'officier qu'il ferait tout son possible pour contenter tout le monde et guidé par le maître d'hôtel, se dirigea vers la cuisine. Le chef cuisinier l'accueillit avec bienveillance et lui indiqua immédiatement sa tâche. Peler les légumes, laver les casseroles et entretenir le feu dans les fourneaux. Rabaska se mit immédiatement à la besogne. Il travaillait jusqu'à 8 heures du soir, sans s'arrêter, et mangea avec les garçons de cuisine. Puis après avoir lavé un nombre infini de casseroles de toutes formes et de toutes grandeurs, il fut libre. On lui indiqua une vieille paillasse dans un coin du garde-manger de la cuisine et on le laissa. Mais Rabaskas, quelle que fût sa fatigue, ne songeait pas à dormir. Il voulait savoir où était la cabine des deux bandits qu'il avait vus s'embarquer sur le paquebot et ensuite agir. Il eut la patience d'attendre minuit, puis s'enfuit rôder sur le pont supérieur où se tenaient encore quelques passagers de première classe, désireux de jouir de la fraîcheur de la nuit. Parmi eux, Rabaskas reconnut ceux qu'il cherchait. Il les guetta de loin, et lorsqu'ils allèrent se coucher, réussit à les suivre sans attirer l'attention et à savoir ainsi où se trouvait leur cabine. Satisfait, il s'en fut dormir. Pendant toute la journée du lendemain, il travailla vaillamment. Le soir venu, sa tâche terminée, il s'assura que les deux mystérieux individus étaient dans le fumoir en train de jouer au poker et descendit dans la coursive sur laquelle donnait leur cabine. La porte de ces dernières n'était fermée qu'au loquet. Rabaskas l'ouvrit, pénétra dans la cabine et referma le battant sur lui. D'un coup d'œil, il aperçut, placées chacune sous une des deux couchettes meublant la petite chambre, deux malles plates en osier, recouvertes de housses de toile. D'énormes malles mesuraient 1,40 m de longueur et 60 cm de largeur, des malles capables de contenir chacun un homme, à condition que ses membres fussent convenablement repliés sur eux-mêmes. Browning doit certainement être enfermé dans une des deux, pensa-t-il en hochant la tête. Voyons un peu cela. Prudemment, il poussa le verrou de la porte, puis s'étant approché d'une des malles, il la tira à lui, elle était fermée à clé. Rabaskas regarda autour de lui. Il vit une petite armoire d'acajou entr'ouverte. Il la fouilla. Elle contenait des vêtements d'homme, mais dont les poches étaient vides. Rien à glaner de ce côté. Les bandits étaient hommes de précaution. Il eût été naïf de leur part de laisser traîner des objets compromettants, d'autant plus qu'un garçon devait venir nettoyer leur cabine tous les jours. Rabaskas se sentit pris de perplexité. Il pouvait fracturer les malles, mais c'était donner l'éveil aux bandits et rien ne prouvait encore que ces malles contenaient bien ce qu'il y cherchait, son associé Browning. Pourtant, après avoir réfléchi pendant quelques secondes, Rabaskas résolut d'agir. Il empoigna une des anses de la malle qu'il avait retirée de dessous la couchette et d'un effort, la souleva et essaya de la secouer pour se rendre compte de son contenu. Rien ne bougea, mais avant que Rabaskas ait reposé la malle sur le plancher, la serrure de la porte de la cabine grinça. Quelqu'un venait, un des deux bandits sûrement, et peut-être les deux. Rabaskas se sentit pâlir, toute retraite était coupée, et il ne pouvait se cacher dans l'armoire. Or les bandits n'étaient pas hommes à l'épargner, ils l'avaient montré. Cette fois ça va mal, pensa le Gascon, cependant qu'une goutte de sueur roulait le long de son épine dorsale.